mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir à Toulouse. En attendant, je vous propose de découvrir sur votre droite le magnifique panorama qui s'offre à vous sous le soleil du matin. Vous comprendrez pourquoi cette ville superbe s'appelle la Ville Rose.